Tu vas pas me croire. Quoi ? Tu te souviens quand Titi et Jenny habitaient encore à Sainte-Geneviève-des-Bois et qu'on allait parfois leur rendre visite depuis Paris à vélo ? Ouais, enfin, c'était il y a longtemps. Ouais, c'est vrai. Bah, j'ai refait le trajet aujourd'hui. Ouais, j'ai eu envie, je sais pas, je crois que c'est de lire tous ces carnets, ça me rend un peu curieuse d'aller voir comment ça a changé. Je sais pas, pour me faire une sorte de carte mentale un peu de toutes ces transformations en banlieue parisienne, tu comprends, tu vois ? Bah, t'aurais dû me dire, je serais venue avec toi. C'est ça, oui. Pour que tu me gâches le plaisir avec tes plaintes de j'ai mal au genou, et on prendrait pas plutôt le GPE ? Ouais, t'es bien contente hein, de prendre le Grand Paris Express quand t'es fatiguée, hein, ça va. Hein. Bref, c'était vraiment chouette. Maintenant, avec les pistes cyclables continues, t'as vraiment moyen de suivre la Seine à vélo jusque dans Lyon, c'est dingue. Oh, je sais ce que tu vas dire, hein. Est-ce que t'as été jusqu'à Sens alors, madame la cycliste ? Non, monsieur, j'ai réponse à tout. Je n'ai pas été jusqu'à Sens. Mais les panneaux indicatifs sont vraiment plutôt bien faits. Ils t'indiquent les prochaines communes, le kilométrage, le temps que tu mets en moyenne si tu es à pied, à vélo ou sur un engin motorisé doux. Et puis, il y a souvent des panneaux touristiques qui t'expliquent la faune, la flore de tel ou tel paysage, les infos patrimoniales sur telle ou telle vue, des données historiques. Bon, il y a des fontaines d'eau potable très régulièrement, il y a des espaces où te poser si t'es fatigué, il y a des food trucks pour des snacks ou des micro-fermes pour aller chercher un morceau de fromage, une tartinade. Et puis, bien sûr, il y a tout plein de stations de vélo en libre-service, mais bon, ça, c'est pas nouveau. Enfin, ce qui est nouveau, c'est que ce soit national. Ça, c'était une bonne idée, parce qu'on peut emprunter un vélo à Paris et le poser à Marseille, si on veut. Il n'y avait pas trop de monde ? Si, il y a beaucoup de monde, mais franchement, c'est tellement large qu'il n'y a pas de souci de partage de la voirie, c'est vraiment intelligent. Bon, c'est vrai qu'aussi, sous les quinquennats de 2033 à 2048, il y a beaucoup qui a été fait pour diminuer la place de la voiture thermique. Ça y est, maintenant. Il y en a moins, donc il y a plus de place à dédier aux autres modes de déplacement. Ça donne vraiment envie de faire plus souvent des trajets Paris-banlieue à vélo. Tu vas pas me croire, mais ça m'aurait presque donné envie de vivre en banlieue. Non, effectivement, je te crois pas. Si, je t'assure. Cette journée m'a changée. En plus, je suis passée par le centre commercial des Prairies, ça m'a vraiment surprise. La banlieue, c'est vraiment de moins en moins moche. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans ce centre commercial ? Bah, t'en as pas entendu parler ? Non. Oh. En fait, face à l'abandon des centres commerciaux de banlieue, qui étaient décrépits, délaissés et en difficulté à cause du e-commerce, le gouvernement a choisi de les refonder. Tu sais, en les mélangeant à un système de parcs et jardins où les commerces sont en plein air et la circulation est prioritaire à vélo. Ah ouais. J'ai entendu parler de ça. Bah, et comment que tu en as entendu parler ? Plus de la moitié des centres commerciaux de banlieue ont été transformés comme ça depuis les 10 dernières années. Du coup, pas mal de boîtes ont émergé pour créer des vélos dits en partenariat d'État, et donc qui sont dédiés à la seule circulation dans les centres commerciaux en plein air. Ça a quand même pas mal changé la face des banlieues, ça aussi. Hein. Ça fait combien de temps que t'es pas sorti de Paris, toi ? Ouais, ça va, hein. Ah oui, et au fait, tu sais que maintenant les drives, c'est plus en voiture que c'est à la mode, c'est à vélo. Mais si, je te jure ! Ce sont des vélos de ciné-drive, des vélos resto-drive. Ah, arrête, tu me fais marcher. Mais non, je t'assure, tu peux même aller...